نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue. On est toujours dans le chapitre de من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Donc le Muhashi, Cheikh Ibn Qasim rahimahullah, il disait concernant ce chapitre-là, أي هذا باب فيه أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر التوحيد وفضله نسب أن يذكر تحقيقه فإنه ليحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. Donc ce qui est voulu dans ce chapitre-là, c'est l'accomplissement du tawhid complet, et donc de bénéficier de quoi? Du bienfait complet du tawhid. Comme on l'a vu dans le chapitre numéro 2, qui était donc Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, on avait vu que le bienfait et la particularité du tawhid et des muwahidin, c'est que il rend, leur fin est au paradis. La mahala, comme ils disent. C'est-à-dire, sans aucun doute, la destination finale du muwahid, celui qui est mort en étant muwahid, sans associer à Allah Jalla wa Ala Shirk al-Akbar, lui, sa destination finale est au paradis, même s'il est châtié avant. C'est-à-dire que ce tawhid-là, il le protège de s'éterniser dans le feu. Et on avait vu un deuxième bienfait, c'est que le tawhid, en fonction de sa force, il expie les péchés. Donc même si une personne meurt avec des péchés dont elle ne s'est pas repentie, son tawhid, en fonction de la force de son tawhid, ce tawhid-là peut expier ses péchés. Et donc, il peut éviter le châtiment par ce biais-là. Donc ça, c'était déjà deux bienfaits principaux qu'on avait vus concernant le tawhid, ou la base du tawhid, asl al-tawhid, ou asl al-iman. Mais ici, ce qui est voulu dans ce chapitre-là, c'est quelque chose de supplémentaire. Le fait de réaliser le tawhid complet, et donc de bénéficier de la récompense dans sa plénitude. C'est-à-dire de ne même pas, ces gens-là, ils ne sont même pas jugés. Et donc encore moins châtiés. Donc ça, c'est vraiment le bienfait absolu du tawhid. Et ensuite, il dit, donc c'est ce qui nous intéresse, le tahqiq, c'est quoi? Tahqiq al-tawhid, l'accomplissement du tawhid complet, c'est quoi? Wa tahqiquhu min wajhayn. Wa tahqiquhu min wajhayn. Wajibun wa mandub. فالواجب تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Donc l'accomplissement du tawhid obligatoire, c'est-à-dire il a deux niveaux, comme on en avait déjà parlé. Le tawhid al-kamil al-wajib, c'est donc le fait d'être exempt de toute forme de shirk. Que ce soit le shirk al-akbar, le shirk al-asghar, des bid'a et des péchés. Ici, ce qui est voulu, comme on l'avait déjà dit, c'est pas ce qui est conditionné, ce n'est pas le fait de tomber dans le péché, mais c'est le fait de s'en repentir et de ne pas mourir en persévérant dans ce péché-là. Ça qui est voulu. Donc ça, c'est l'accomplissement du tawhid, il est là. Et le niveau au-dessus, c'est donc ce qu'on appelle tawhid al-kamil ou l'iman, l'iman al-wajib ou kamal al-iman al-mustahab ou kamal al-tawhid al-mustahab. Donc c'est celui qui, en plus de délaisser les péchés, comme on l'a dit, il fait des actions régulièrement, des actions surérogatoires. Il délaisse les actions qui sont blâmables. Répréhensible mais pas interdite, ce qu'on appelle le makruh. La dernière fois, on avait commencé à lire les adillah, les nusus que le shir cite dans ce chapitre-là. Et je voulais revenir juste sur une chose, c'est sur le verset qu'on avait lu. Donc on avait vu que dans Sourate al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit ces gens-là, ce qu'on appelle as-sabiqun ou as-sabiq, as-sabiqu bil khayrat ou as-sabiquna bil khayrat. Donc c'est de ces gens-là dont on parle dans ce chapitre-là. On l'avait vu dans le verset de Sourate Ghafir. On a trois types de croyants: Zalim l'Nafsi, celui qui commet des péchés, Al-Muqtasid, celui qui se contente de faire ses obligations, de délaisser les péchés, et on a Sabiq bil Khayrat, celui qui rajoute avec ça des œuvres surérogatoires. Et donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit dans Sourate Al-Mu'minun, et il dit entre autres, Wallazina hum bi rabbihim la yushrikun, en les décrivant, et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Et donc ici, on avait dit, en se basant sur la compréhension de la langue arabe, que ce qui est ici nié, c'est le fait de faire le shirk, qu'il soit akbar ou asghar. Quelqu'un, il peut faire la remarque et dire, mais comment on comprend de ce verset-là que ces personnes-là, elles ont délaissé les péchés et la bid'a? Puisqu'on a dit que tahqiq al-tawhid, c'est le fait de délaisser le shirk de manière complètement, c'est-à-dire le shirk akbar, évidemment, shirk asghar, que ce soit en petite quantité ou en grande quantité. Mais aussi, les bid'a est de ne pas persévérer dans le péché, de se repentir si un péché est commis. Comment on comprend ça de ce verset? Et là, les ulémas, ils expliquent ça dans deux sens. Comme on l'a dit la dernière fois, on l'avait expliqué, il y a des ulémas qui rentrent, donc ça c'est la première explication, il y a des ulémas qui rentrent dans le shirk, ou ce qu'on appelle djinn, c'est shirk, le fait de persévérer dans le péché. Lorsque quelqu'un persévère dans le péché, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose, ce péché-là, il est accroché à son cœur. Il est dans son cœur et il aime cette chose-là. Pas il l'aime dans le sens où il sait que ça contredit la charia et il aime ça parce que ça, c'est du grand kofr. Mais c'est un amour, comment dire, nefsi. C'est-à-dire, il est attaché à ce péché-là, il n'arrive pas à s'en défaire et il va faire devancer son envie pour ce péché-là sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y en a certains qui rendent ça dans ce qu'on appelle djinn, c'est shirk. Ça, c'est une explication. C'est-à-dire que وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ et ils rentrent dans لَا يُشْرِكُونَ tous les péchés, de cette manière-là. Et la deuxième explication, qui est la plus juste, وَاللَّهُ عَلَمْ, c'est de dire que quelqu'un qui délaisse le shirk akbar et le shirk asghar de manière totale, c'est quelqu'un qui, à la base, a une foi assez forte pour ne pas persévérer dans un péché. Si tu trouves que la personne, elle délaisse le shirk akbar et l'asghar de manière totale, c'est pas quelqu'un à la base, qui persévère sur un péché. Donc ça, on dirait plutôt que c'est un lazim. C'est une implication du délaissement total du shirk. L'implication, ça implique quoi? Que c'est une personne à la base qui ne persévère pas dans le péché. Et ce deuxième avis, il est plus juste. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le shirk, comme le tawhid, comme l'iman, comme l'islam, comme l'ihsan, comme la bid'a, comme le nifaq, comme le ma'siya, tout ça, c'est des mots qu'on dit al-fadhun shar'iyya. C'est-à-dire que c'est des mots qui ont un sens bien particulier dans la législation. Le shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défini dans sa sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a défini dans le Coran. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ja'al al-andad, ça c'est le shirk. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné quel est l'envoyé d'Allah, quel est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, quel est le péché le plus grave, il a dit quoi? Que tu mettes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Mettre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans une chose qui n'appartient qu'à lui. Donc la deuxième explication, elle est plus juste. C'est juste pour revenir sur ça. On avait commencé à lire le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Et donc, le hadith, il a une histoire, donc, rapportée par Hussein ibn Abdurrahman, un élève de Saïd ibn Jubayr. Et donc, pour reprendre l'histoire, il était auprès de Saïd, et Saïd, rahmatullah alayh, il a demandé lequel d'entre vous a vu l'étoile filante ou une étoile filante donc s'éteindre la nuit dernière. Et Hussein, il a dit, moi je l'ai vu. Et il a tout de suite précisé qu'il n'était pas en train de prier. Donc là, on avait dit qu'il y a un signe là-dedans ou une preuve là-dedans de l'ikhlas des salafs. Et à quel point ils étaient pointilleux sur le fait de s'écarter de tout de l'ostentation et de toute forme de shirk. Mais en fait, il était éveillé. Pourquoi? Parce qu'il a été piqué par un scorpion ou par un serpent, comme on va le voir avant. Et là, Saïd ibn Jubayr, il l'a interrogé sur ce qu'il a fait. Et là, il lui a dit « Irtaqayt ». Il a dit « Irtaqayt bima'na istarqayt ». Il a cherché quelqu'un qui pouvait lui faire une ruqya, c'est-à-dire réciter sur lui certains versets, certaines invocations, comme on va le voir après, comme ça vient dans les textes de nos sources, la charia, que c'est un remède contre ces choses-là. Et là, il lui a demandé, Saïd, il lui a demandé son dalil. Fama hamalaka ala dhalik. C'est quoi ton dalil pour avoir fait ça? Donc là, on avait dit qu'il y a aussi une preuve sur laquelle on peut s'appuyer, que dans l'adab des salaf, quand quelqu'un il fait quelque chose qui concerne le dîn, on est en droit de lui demander sur quoi tu te bases pour faire ceci ou cela. Et là, il a utilisé comme dalil un hadith que lui a rapporté Sha'bi. De qui? De Buraïda ibn al-Husayb, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Buraïda, donc il a ramené ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith, la ruqyata illa min aynin aw huma. Et on s'était arrêté là. On s'était arrêté là. Donc le hadith, la ruqyata illa min aynin aw huma. Donc Hussein, il a utilisé comme dalil, donc pour répondre à son cheikh, Saïd ibn Jubir, il a utilisé ce hadith-là comme preuve. Hadith donc rapporté par qu'a rapporté que lui a rapporté Sha'bi, donc un autre de ses chirs, un autre chir à lui, il a comme chir Saïd, il a Sha'bi. Sha'bi ramène ça de Buraïda ibn al-Husayb qui ramène ça, qui a entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la ruqyata illa min aynin aw huma. Il n'y a pas de ruqya, on va voir le sens du hadith. Pas de ruqya, en fait, le sens du hadith, c'est il n'y a pas de ruqya. Donc, de. Je sais plus comment ils appellent ça là en français. Je sais plus comment ils appellent ça en français. La ruqya. Anfa. Ou awla. Comme on va voir le sens du hadith dans la parole des savants. Il n'y a pas de ruqya qui soit plus bénéfique que la ruqya de celui qui est atteint, pas de celui, mais de faire de ruqya sur celui qui a été atteint par le mauvais œil ou qui a été piqué ou mordu par un insecte, par un serpent. Donc lui, il a été, il a, il, ce hadith-là, il le connaît, il l'a utilisé comme preuve. Puisque bin Nas, lui, il a été piqué, il a dit l'oudirtu, il a été mordu ou piqué, et il a un hadith avec lui que bon, il peut faire ruqya dans ce cas-là, et que même c'est la ruqya la plus bénéfique. Donc ici, le Muhashi, il dit, donc il explique le sens du hadith. Parce que le hadith, si on le lit comme ça tout seul, on peut comprendre que la ruqya n'est permise que dans ces deux cas-là, que dans le cas du mauvais œil et du quand on a été piqué ou mordu. Or, c'est pas ça le sens. Et ça, on le comprend en réunissant tous les textes qui concernent la ruqya. Comme on a dit, on comprend toujours le Coran et la Sunna en regroupant les textes. Ça, c'est la voie de l'Sunna wal Jama'a, que ce soit dans les sujets de l'Iman, dans l'Usul al-Ihtiqad, dans la croyance ou dans le Furu', dans le Fiqh, dans le Halal wal Haram, on réunit toujours tous les textes. Donc là, il dit, Mahashi dit, Ay la ruqyata ashfa wa awla min ruqyati al-ayni wal-huma. À la base, c'est une parole de l'imam al-Khattabi, rahmatullah alayhi. Donc, pas de ruqya plus efficace et plus à même d'être faite que la ruqya contre le mauvais œil et contre les piqûres ou les morsures d'animaux venimeux. Ensuite, il dit وَإِنَّمَا خَصَّ الْعَيْنِ وَالْحُمَى لِكَوْنِهِمَا تَزْدُرَانِ مِنْ أَنْفُسٍ خَبِيثَةٍ شِرِّيرَةٍ رَوْحَانِيَةٍ شَيْطَانِيَةٍ. Il dit que فَرُقْيَةُ بِالْقُوَّةِ فَرُقْيَةُ بِالْقُوَّةِ الرحمانية كالنفث والريق أولى وأشفى ما يدفع الإيمان الروحاني به هذين النوعين. Là, en gros, il explique que l'ayn, surtout l'ayn, ou l'huma, c'est le mal causé par l'ayn, surtout. Ça provient, il provient de mauvaises âmes, de mauvaises âmes, et qui insufflent un mal qui ne peut être repoussé ou de meilleure manière et de manière plus efficace que par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit par la récitation, que ça soit par le fait de souffler. On sait que il y a plusieurs méthodes sur ruqya, le fait de lire le Coran, de souffler sur le malade ou de souffler ou de réciter sur de l'eau ou de certaines choses, et ça c'est une arme efficace, la plus efficace pour repousser ce mal là qui a été fait par une mauvaise âme dotée de mauvaises intentions. Voilà, kulli hal, ça c'est on va dire ce qui nous fait dire que la ruqya elle est bonne dans ces cas-là, c'est le hadith, le texte, parce qu'après ce qui se passe, ça fait partie de l'ghaib, du monde de l'invisible, comment ça atteint la personne et comment, etc., et comment on sait que la ruqya il est efficace parce qu'on a le hadith avec nous. Après, ça rentre dans des choses qui yahtaj ila dalil. Et ensuite, là, il explique ce qu'on vient de dire. Il dit وَلَا يَمْنَعُ جَوَازَ الرُّقْيَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَمْرَضِ لِأَنَّهُ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُقْيَةِ مُطْلَقَ وَقَدْ رَقَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُقِي وَالْعَيْنُ وَالْعَيْنُ. نعم. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas comprendre du hadith que la ruqya est destinée uniquement à ces deux problèmes-là, à ces deux maladies-là. Al-ayn, le fait d'être atteint par le mauvais œil, comme il va l'expliquer après, ou le fait d'être piqué ou mordu par un serpent. On a des nusus, d'autres textes dans la sunna sahiha, qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné les gens, ou il a recommandé la ruqya. Et que lui-même, il a pratiqué la ruqya sur les compagnons, et que lui-même, on a pratiqué la ruqya sur Jibril alayhi salam, a pratiqué la ruqya sur lui, quand il a été ensorcelé par une juive de Allahu alam, si mes souvenirs sont bons, de Bani Nadir. Allahu alam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, il dit Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Celui d'entre vous qui peut faire du bien, profiter à son frère, qu'il le fasse. Et ça, c'est-à-dire par la ruqya. D'autres hadiths rapportés par Muslim aussi, Il a dit la ba'sa birruqa ma lam takuna shirka. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant que ça contient pas de shirk. Tant que ça contient pas de shirk. Parce que après l'islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pratiquaient déjà la ruqya dans le jahiliya, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont demandé quel était le hukm de l'islam sur ces choses-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Évidemment, c'est ça qu'on comprend des shirkiyats, des invocations d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les djinns, etc. Évidemment, c'est haram. Mais s'il n'y a pas de shirk, à la base, c'est permis. Donc là, on voit que ces textes-là, ils sont tout fait de l'umum. Ils nous apportent une information générale. Que la ruqya, c'est bien, tant qu'il n'y a pas de shirk. Et que si c'est profitable, on peut la faire. Donc, en se basant là-dessus, on comprend ce hadith-là, que la ruqya n'est que pour l'ayn et pour l'huma, que le sens, c'est anfa'. Il n'y a pas de ruqya qui est plus bénéfique et plus efficace que contre ces deux mots-là. L'ayn et l'huma. C'est comme ça qu'on doit comprendre le hadith. Comme ça que les ulama, ils ont compris le hadith. Non. Il dit, « Wa l'ayn, ma ma'ana l'ayn, c'est quoi l'ayn ?»« Wa l'aynu, hiya isabatu l'ayni ghayrahu bi'aynihi, idha nazara ilay. » عدوا كان العائن أو حاسدا أو غيرهما فتؤثر فيه بإذن الله فيمرض بسببها ومن أسباب العين أن يتعجب الشخص من الشيء يراه فتتبعه نفسه فتضرر ذلك الشيء منه يقال عانه يعينه فهو عائن إذا أصابه بالعين ويندفع شره بأسباب منها التعوذ بالله من شره والصبر عليه وفراغ القلب من الاشتغال به والإحسان إليه مهما أمكن والصدقة وتقوى الله وتوكل عليه والإقبال إليه ومعرفة أن الأسباب كلها بيده سبحانه. Donc العين المفزي c'est le fait d'être atteint par une personne qui va regarder, c'est le fait qu'une chose, qu'un être humain, ou qu'une chose soit atteint par le mauvais œil, qui est causé par le regard de l'aïn, donc de celui qui va porter le mauvais œil, donc d'une autre personne, et qui va le toucher. Que celui-ci soit, en général, c'est par l'hasad, par l'envie. Une personne envieuse, qui regarde la personne qu'elle envie pour telle ou pour telle raison, elle peut l'atteindre avec l'aïn. Donc l'aïn, c'est une chose réelle, ça existe. Et là, ici, il dit « adouan ken awla », c'est-à-dire que ça soit une personne qui soit ennemie. Donc l'ennemi, il te regarde déjà avec haine, avec mépris, ou avec et peut-être aussi avec envie. Mais ça peut aussi être quelqu'un de proche. Même de quelqu'un qui nous aime à la base, mais qui est envieux pour telle ou telle raison. Donc on peut être atteint. Et il dit donc que c'est un mal qui a un vrai effet sur la personne. Ce n'est pas simplement un tahayyurat, quelqu'un qui va voir des choses, des hallucinations ou quoi. C'est une vraie maladie qui a un impact sur la personne, qui a des conséquences sur la personne, et donc la personne, elle tombe malade. Il dit, comme on l'a dit, parmi les causes, c'est que quelqu'un, il s'étonne, en général, il s'étonne de quelque chose en voyant une autre personne. Il voit une autre personne, il voit quelque chose de chez lui qui l'étonne, et il va s'étonner de ça, et en général, c'est sur quelque chose que la personne a de bien, et ça va pousser à l'envie. Et par ça, il va être atteint, cette personne-là va être atteinte par l'aïn. Donc le verbe c'est ana. Ana hu ya'inuhu fawa'in. C'est-à-dire celui qui porte l'aïn, on l'appelle l'aïn. Et on repousse ce mal-là, on peut repousser ce mal-là, on peut repousser par plusieurs choses. Donc, premièrement, il cite Ta'awudh billahi min sharri. Donc, le fait de rechercher la protection contre Allah Azzawajal, contre le mal de l'A'in. À la fin de sourate le Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala, ça comprend ça. Le fait de rechercher la protection d'Allah Jalla contre l'envieux lorsqu'il envie, parce que parmi les conséquences de l'envie, c'est ça, c'est l'aïm. Donc ça, c'est avant que le mal y touche la personne. On recherche la protection d'Allah Azzawajal contre le mal avant d'être touché. Ce qu'on appelle al-isti'adha. Al-isti'adha. Dit wa sabru alayh. Ou sabr alayh, c'est-à-dire le fait de patienter. Une fois qu'on, ça, c'est une fois qu'on est touché. La personne qui est touchée, elle patiente. Comme pour une autre maladie, d'ailleurs. Et il dit quelque chose d'important, et ça, il y en a qui disent que c'est parmi les choses les plus efficaces contre l'aïd. Il dit, wa faraghul qalbi min al-ishtighal bi. Le fait de ne pas se préoccuper de l'aïn. Dès qu'il y a un gars qui te regarde, ou oh, celui-là il va me taper du aïn, etc. Comme on a les habitudes, surtout chez les Arabes et tout, celui-là il va me faire du aïn, celui-là. Non, quelqu'un qui se préoccupe pas de ça et qui prend pas ça en considération, avec la croyance que ça existe, c'est une vraie maladie, mais qui ne s'en préoccupe pas, celui-là il est préservé plus qu'un autre. Il dit, wal-ihsan ilay, mahma amkan. Là, il va, Allahu alam, il vise wal-ihsan ila al-a'im. C'est-à-dire le fait d'être bienfaisant envers même celui qui nous, si on le connaît, qui nous a touché par l'a'im. Il dit, wa-sadaqa wa-taqwallahi wa-tawakkul alay. Le fait de dépenser pour la cause d'Allah, sadaqa, la crainte d'Allah, donc d'une manière globale, l'obéissance à Allah, wa-tawakkul alay. Le fait de se reposer sur Allah Jalla wa Ala, de placer sa confiance en Allah, notamment pour la guérison. Le fait de se diriger pleinement vers Allah par l'obéissance. Et le fait de la connaissance et de savoir que ce soit al-asbab ou al-musabbabat, c'est-à-dire les causes et les conséquences, tout est dans la main d'Allah Jalla wa Ala. C'est lui qui crée tout et c'est lui qui est capable de, comme on va le voir, on ne l'a pas encore vu, mais comme on va le voir, que le sebeb, même s'il est ce qu'on appelle le sebeb qawi, des fois on fait des choses, on fait un sebeb, ce sebeb-là, il par la création d'Allah et par la volonté d'Allah, il va causer une conséquence. Une cause qui va causer une conséquence. Ceci de manière quasiment habituelle. C'est-à-dire que par exemple, si je tire avec un revolver dans la tête d'une personne, habituellement, cette personne-là, elle meurt. Mais des fois, elle ne meurt pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Ou quelqu'un, il mange, il a faim, il mange deux, trois assiettes, il a toujours faim. Pourtant, normalement, le fait de manger, ça doit couper la faim. C'est un sebeb. D'autres choses comme ça, ce qu'on appelle sebeb qawi. Sebeb qawi, quelqu'un il saute du 10e étage, en général sebeb qawi pour donner la mort. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il veut, il mourra pas. Donc, l'asbab ou le musabbabat, on le verra inshallah dans certaines formes de shirk asghar. Tout ça c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman, il doit faire le sebeb. Allah Jalla wa Ala, il ordonne aux musulmans de faire de faire les causes, déjà parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de les faire, et aussi parce que c'est quelque chose qui est fitri aqli. Lorsque je pars au combat, je revêtis mon armure et je prends mes armes et je vais au combat. J'y vais pas en short et en tongs. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, et préparez pour eux, c'est-à-dire pour l'ennemi, ce que vous avez de force. Préparez-vous pour le combat. Donc ça c'est amrun shar'i, c'est un ordre. Et ensuite l'aql ou le fitra, ça nous pousse aussi à nous préparer à combattre l'ennemi, à mettre les armures et à préparer les armes. Mais malgré cela, la victoire, on ne l'obtient pas par les armures et par le nombre de combattants, mais on l'obtient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la victoire. Donc le tawakkul, il est toujours, avec le fait de faire le sabab, il faut toujours le tawakkul, et savoir que le musabab est tahsil al-marhoub, savoir que ce qu'on espère obtenir, c'est toujours par Allah subhanahu wa ta'ala, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les deux choses. Il va en parler à la fin, inshallah, du bab concernant le tawakkul. Ça c'est pour l'ayn. Ensuite il dit wal huma bid dam al ha wa al takhfif al mim al hayy wa al aqrab wa shibhu huma aw al sam sum sumum al sam sum aw al ibra wa fi riwaya min al hayyati wa al aqrab. Na'am, al huma, soit al huma, al huma c'est pas al humma, al humma shay akhar. الحمى بضم الحاء حو والتخفيف الميم الحية سواء النوع du serpent والعقرب le scorpion lui-même وشبههما أو السم أو الإبرة والوغ c'est le venin qu'on appelle حمى سواء الحمى c'est l'insecte en lui-même سواء c'est son venin سواء الإبرة c'est son épine sa piqûre. Et dans une riwaya du hadith, ça a été rapporté min al-haya wal-aqrab. Min al-haya wal-aqrab. Donc du serpent ou du scorpion. Non. Ensuite, il lui dit, après avoir cité son dalil, et ce sur quoi il s'est basé pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de chercher quelqu'un qui pourrait lui faire une ruqya, Saïd ibn Jubir, son cher, il lui dit, قَدْ أَحْسَنَ مَنْ إِنْتَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَ. C'est-à-dire que celui qui pratique, qui met en pratique ce qu'il a entendu, donc ce qu'il a en réalité, ce qu'il a de science, donc il a reçu une science, Hussein, il l'a mis en pratique. Sa'ad ibn Jubir, il dit « qad ahsana », c'est-à-dire qu'il a bien fait. Il s'est comporté convenablement. Il a pratiqué ce qu'il connaît de science, la charia. أي فعل الحسن من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم فذلك الموصي. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن مرفوعا ورواه أحمد وابو داود وترمذي وعن عمران بن حسين مرفوعا ورجال أحمد ثقات وأصله في الصحيحين. Donc celui, c'est-à-dire celui qui met en pratique ce qu'il a de science, il a fait une bonne action. Contrairement à celui qui pratique quelque chose sans science ou celui qui a une science et qu'il ne la met pas en pratique. Ça se revient toujours aux deux catégories de gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans Al-Fatiha « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » المغضوب عليهم اليهود. Ils ont la science, mais c'est des gens mustakbirun qui n'obéissent pas à Allah Azza wa Jal, qui ne pratiquent pas. « ولا الضالين النصارى » les chrétiens qui œuvrent avec ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq. Louange à celui qui a envoyé son messager bil huda bil ilm, avec la science, wa din al haqq, et la bonne action. Donc il faut les deux choses. C'est pour ça que les salaf disaient, quelqu'un parmi les musulmans qui œuvre sans science, il a une ressemblance aux chrétiens. Et celui qui a une science, c'était Soufiane ibn Uyayna, Allah alam, qui dit ça, il dit celui qui a une science, ou non, c'était Zuhri, Shihab al-Din al-Zuhri. Il dit, et celui qui a une science et qui ne la met pas en pratique, alors celui-là, il a une ressemblance aux juifs. Il dit, Wafi, donc dans cette histoire-là, on a Fadilat ilm salaf. Fadilat wa ilm salaf wa husnu adabihim. Wa talattufihim fi tablir al-ilm. Wa anna man amila bima balagahu faqad ahsan. Wa la yatawakafu al-ilm bihi ala ma'arifati kalami ahli al-mazahibi wa ghayri. Donc dans cette histoire-là, on a le mérite de la science des salafs et leur bon comportement. On voit comment Saïd, comment il a répondu à son élève. Il lui a pas dit, tu connais rien, t'es un jahil, t'es un... Lui, Hussein, il a un hadith avec lui. Il l'a mis en pratique. Le hadith que Saïd ibn Jubair, il va citer après, lui, il l'a pas avec lui. C'est-à-dire que Saïd, il a quelque chose de mieux. Mais lui, il l'a pas à la base, ça. Donc lui, il met en pratique, il met en œuvre la science qu'il a eue dans le hadith de Shi'abi de Bureyda, rapporté par le professeur sallam. La ruqyata illa min aynin ou huma. Et donc il a cherché quelqu'un qui puisse lui faire une ruqya contre ça. Et on voit comment Saïd, il s'est comporté avec lui. Et avec douceur. Déjà, il l'a complimenté. Qad ahsana man intaha ila masami'. Il l'a complimenté, il a bien fait une bonne. Il dit, mais lui, il a mieux. Et ici, il dit quelque chose. Il dit, وَلَا يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِهِ عَلَى مَعْرِفَةِ كَلَمْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهِمْ. Il dit que la science... elle ne s'arrête pas à... C'est-à-dire que c'est pas conditionné dans tous les sujets d'aller chercher ce que tout le mazahib ils disent sur un sujet. Si j'ai un texte clair avec moi, comme c'était le cas de qui? De Hussein. Hussein, il a un hadith avec lui. La ruqya illa min aynin aw huma. Est-ce qu'il doit aller chercher chez tout le monde, savoir est-ce qu'il y a un autre avis concernant la ruqya dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? Est-ce qu'il a akhiri? Il dit que non. Mais s'il y a une remarque, il faut quand même faire attention. Le fait de prendre comme ça, surtout pour les gens qui n'ont pas les facultés qui n'ont pas les facultés et la compréhension adéquate pour comprendre directement les textes du Coran et de la Sunna. Il faut faire attention quand on se base sur un texte du Coran et de la Sunna, de ne pas contredire la parole de l'ulama. C'est-à-dire, on conditionne toujours la compréhension du Coran et de la Sunna par la compréhension des salafs, des compagnons et des ulama qui les ont suivis. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent que, surtout pour critiquer les mazahib, pour critiquer les quatre mazahib, l'imam Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou Ahmed, qui disent, haoula, c'est des hommes comme nous. Et ils se sont basés, et ils ramènent toutes les paroles qui sont bien connues des quatre mazahib, qui disent que, le dalil, c'est notre madhhab, c'est le hadith, notre madhhab, c'est le dalil. Celui qui contredit un hadith, si la parole connue de l'imam Shafi'i, si ma parole elle contredit le hadith, alors le jeter là contre le mur, etc. Toutes ces paroles qui sont bien connues. Mais ça, il y a des gens qui ont, au jour d'aujourd'hui, qui disent, bon, ceux-là, c'est des hommes comme nous. Donc, on va aller voir dans le Coran et dans la Sunna directement. On n'est pas conditionné par eux. Et ils arrivent à sortir des fatwas, à dire des choses que personne n'a dites avant eux, dans les quatre madhahib, ni avant eux chez les salafs. Tout ça parce que ce qu'on appelle les shudhudhat, le fait de s'écarter de la parole des ulama et de dire quelque chose que personne n'a dit avant. Ça, c'est causé par ça. Certes, là-bas, c'est le Coran et la Sunna, mais encore une fois, c'est toujours avec la compréhension des salafs. Et si dans un sujet à propos duquel ils ont parlé, ils ont donné des avis, il ne convient pas après eux de venir avec une autre parole ou avec quelque chose qui contredit ce qu'ils ont dit. Là, quand on arrive à ça, il faut mettre en cause ou il faut remettre en question sa compréhension des textes. Juste pour la parenthèse. Non. Et donc là, Saïd, il va poursuivre. Saïd, il va poursuivre. Et il va citer la parole de son cheikh, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. Donc il dit, en poursuivant, Qad ahsana من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي هو معه رهط والنبي معه الرجل ورجلان والنبي هو ليس معه أحد. Et donc là il dit, ولكن. C'est-à-dire, ce que tu as fait, c'est bien, mais il y a quelque chose de mieux. Abdullah ibn Abbas, wa radiyallahu anhuma, ibn Abd al-Muttalib, ibn Amin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, habrul umma wa turjuman al-Qur'an. Da'alahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqal, Allahumma faqihu fi al-din, faqihu fi al-din wa allihumu al-ta'wil. فصار آية في العلم والفهم مات بالطائف سنة 98 سنة 98 قال المصنف وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني فإن حسين ابن عبد الرحمن ورحمة الله عليه انتهى إلى ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أخبره سعيد بن جبير عن درجة أرفع من تلك الدرجة وهي توكل. Donc سعيد بن جبير دي ولكن حدثنا ابن عباس. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Saïd qui apporte d'autres éléments. Et Abdullah ibn Abbas, donc c'est le fils de Ibn Abbas, donc fils de l'Abbas, Abdullah, fils de l'Abbas, qui était lui-même le fils de Abdul Muttalib. Donc, l'Abbas, on sait que c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam. Et ils l'ont surnommé Habr al-Umma. Wa turjuman al-Qur'an. Habr al-Umma wa turjuman. Et le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah jalla wa ala pour lui. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'instruire dans la religion et de lui apprendre le ta'wil. Ici, le sens de ta'wil, c'est le tafsir. Tafsir du Coran. C'est pour ça qu'il est devenu un signe d'Allah jalla wa ala dans la science et dans la compréhension du Coran et aussi dans le fiqh. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Il fait partie aussi de ce qu'on appelle al-mukthirin. Il a ramené beaucoup d'ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il avait beaucoup d'avis aussi dans le fiqh. Et il est mort à Taif en 68 de l'Hégire. Donc il a vécu longtemps après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-musannif, et on voit ici, la profondeur de la science des salafs, et dans sa parole, lorsqu'il lui a dit « Tu as bien fait dans ce que tu as fait ». Donc là, Saïd, il dit à son élève, donc dans ce qu'il a fait, le fait de chercher une ruqya, « Tu as bien fait dans ce que tu as fait ». Comme on a dit, Hussein, il n'avait pas le hadith que Saïd ibn Jubayr va lui donner là maintenant, le hadith d'Ibn Abbas. Donc il a fait avec ce qu'il avait. Voilà. ولكن كذا وكذا ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. En fait, donc il lui a dit ce que tu as fait, c'est bien, mais ceci ou cela. Mais moi, j'ai mieux. Ça veut dire que il n'a pas désobéi à Allah Azzawajal, à Hussein, dans ce qu'il a fait. Mais il y a quelque chose de mieux à faire. Donc, Saïd, il lui indique une manière de faire qui est mieux, qui est au-dessus dans la foi. Et comme on va le voir, c'est Tawakkul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith qui est rapporté dans Sahihain, dans le Bukhari Muslim. On va voir il y a quelques différences dans les mots de l'imam al-Bukhari ou dans son hadith et entre les mots de l'imam Muslim. Dit uridat alayya al-umam, c'est-à-dire que les umam, les communautés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Allah jalla wa ala, il a montré ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les communautés, toutes les communautés défiler devant lui, avec chacune suivant son prophète. Et là, il dit, Allahu alam ma ta'uridat wa araduha anna Allah ta'ala arahu mithalaha idha ja'at al-anbiya wa man tabi'ahum yawm al-qiyamah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment, quand et comment, Allahu alam. Quand et comment il lui a montré ça, sous quelle forme, ou il y en a qui disent filmanam en rêve, etc. Mais bon, il n'y a pas de preuve, Allahu alam, on ne sait pas. Il dit Faraïtu, sallallahu alayhi wa sallam, Faraïtu nabiyya wa ma'ahu ar-rahd. والذي في صحيح مسلم الرهيت بالتصغير والرهط بالسكون ويفتح يعني والله والرهط on peut dire الرهط والرهط الجمع دون العشرة جمعه أرهط وأرهط ولو واحد له ولا واحد له من لفظه. Donc, le professeur Salem, il a dit, Faraïtu nabiyya wa ma'ahu rahtu. J'ai vu, le professeur Salem, il dit, j'ai vu un messager et avec lui un groupe de gens. Donc, ici, dans Sahih al-Bukhari, c'est rahtu. Dans Sahih Muslim, ruhayt. Donc, ism al-tasghir, un petit groupe. Rahtu, un groupe, ruhayt, un petit groupe composé. Donc, de moins de 10 personnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ismul jama. Ismul jama, c'est comme qaum, nisa, nas. C'est des mots qui ont un sens pluriel, il n'y a pas de singulier. Rahat, c'est le nom d'un groupe. Ou nafar. Pluriel, arahout, arahat. Naam. Donc, il a vu ou un messager, parmi les messagers, on ne sait pas lequel c'est, qui était suivi par un groupe de gens. وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَرَجُلَانِ أَيْ أَتْبَعُهُ Il a vu un autre messager avec lui qu'un seul homme, ou deux. Un homme ou deux. Ou et deux. Ou deux. Donc très peu de monde. Un messager qui a été suivi que par une seule personne ou par deux. وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ أَيْ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ فَلَيَتْبَعُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ بَلْ مِنْهُمْ مَنْ قَتَلَهُ قَوْمَهُ فَإِنَّ النَّاجِي مِنَ الْأُمَمِ هُمُ الْقَلِيلُ وَلَكِنَّهُمُ السَّوَدُ الْأَعْظَمُ وإن كانوا أقل القليل فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة قال المصنف وفيه ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها والمراد أمة الإجابة La ummatu da'wa. Donc, hadala wa nabi ou laysa ma'u ahad. C'est-à-dire ça, c'est un prophète, il est tout seul, il marche tout seul, il n'y a personne l'a suivi dans son peuple, subhanallah. Pas un seul. Il dit, Mais parmi eux, il y en a même, non seulement ils n'ont pas suivi les messagers, mais ils les ont tués. Beaucoup chez Béni Israël. Où ils ont tenté de les tuer comme quasiment tous les autres. Comme le prophète sallam, comme Isa alayhi salam, comme ils ont essayé de les tuer. Il dit, celui qui est sain et sauf parmi les communautés, ou ceux qui sont sains et saufs parmi les communautés, c'est dans la volonté d'Allah Jalla wa Ala, c'est le petit nombre. Mais par contre, le jour du jugement, ce petit nombre-là, ils sont considérés, c'est eux, as-sawad al-a'zam. Et c'est eux qui ont la valeur la plus grande, déjà dans le dunya et dans l'akhirah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont peu. Et là, il y a une grande faïda que le Cheikh Mohammed, rahimahullah, dans Kitab Tawhid, il sort dans le Masail, il dit que le musulman, il se méfie et qu'il ne se laisse pas tromper par la masse. C'est-à-dire que le haqq, il n'est pas avec la masse, il n'est pas avec le nombre. Mais si on regarde l'histoire de la Ummah et les dalils du Coran et de la Sunna, le haqq, il est avec, toujours avec le petit nombre. Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Et donc le cheikh, il dit, Mohammed, rahmatullah alayhi, il dit, et là, on a le fruit de cette science-là. C'est le fait de ne pas se laisser tromper par la masse, par le grand nombre. Et le fait de ne pas être repoussé par le petit nombre. De voir, on voit, tiens, eux, ils prétendent qu'ils sont mouahidoun, et les autres, ils prétendent que tous les autres, ils sont koufars, alors qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont 10, 20. Les autres, ils sont des milliers. Et ces 10, 20-là, ils pensent avoir compris l'islam et ils pensent que tous les autres, ils sont sur Dalen. Le fait d'être repoussé par le fait d'être en petit nombre et de commencer à douter. Quelques musulmans seulement, tous les autres, ils sont koufars. Non, c'est pas possible, ça. L'ibra bil kitab wa sunnah. Surtout dans l'asl ou dans l'usul, dans l'asl al-din, dans le tawhid. Les versets du Coran et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs sur ce que c'est l'islam et sur ce qui différencie les musulmans des mushrikoun. Tout ça, c'est très clair. Donc il ne faut pas, ça, le fait d'être peu nombreux ne doit pas pousser les musulmans à douter de leur foi et à douter du statut des gens qui les contredisent parmi les mushrikins. Et on a aussi l'information, quoi, que le jour du jugement, chaque communauté défilera, passera avec son messager, seul. Il dit, ce qui est voulu ici, c'est « Ummat al-Jabala, Ummat al-Da'wa ». C'est-à-dire que dans les textes, quand le mot Umma il est cité, soit ce qui est visé c'est Ummat al-Ijaba ou Ummat al-Da'wa. Ummat al-Da'wa, ça concerne tous les gens auxquels sont envoyés les messagers. Ummat al-Ijaba, c'est ceux qui ont répondu à l'appel. Ceux qui ont répondu à l'appel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. À partir du moment où il a été envoyé, tous les hommes et les djinns sont devenus ummat al-da'wa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa, elle est destinée à tout le monde, à tous les hommes. Or, ça ne veut pas dire que tous ces gens-là font partie de ummat al-da'wa, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wa, elle est générale. Mais ummat al-ijaba, c'est vraiment sa umma, les gens qui ont répondu à son appel et qui l'ont suivi, on appelle ça ummat al-ijaba. Donc ce qui est voulu ici, les communautés défileront avec leurs messagers, c'est les gens qui ont suivi leurs messagers. La preuve en est, c'est qu'on a des prophètes qui viennent seuls ou avec un ou deux, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul homme ou deux hommes qui l'ont suivi. Donc c'est bien, on parle bien de ummat al-ijaba et pas de ummat Da'wa, dans cette partie-là du hadith. Il continue, إذ رفع علي ou إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهما أمتي. إذ رفع علي سواد Azim. Donc toujours dans ce défilé là, des messagers avec leur communauté, là il a vu Sawadun Azim. Ils disent que Taqdir al-Kalam, fil hadith, donc il y a une partie qui n'est pas citée, il dit Bainama ana kazalik idhru fi'ali Sawadun Azim. Donc alors que j'étais comme ça, le professeur Salam il narre, il raconte, alors que j'étais comme ça, il a vu une foule, une grande foule, une foule immense, mais au loin. Donc, il dit As-Sawad did al-Bayad, id ayyuru fi ali ashkhasun kathiratun min bu'd, la adri manhum. Donc il a vu au loin un groupe de gens, beaucoup de gens, mais de loin. Donc il est pas, il peut pas voir de qui il s'agit exactement. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم وإنما ظن ذلك لما أوحي إلي وأتلي علي من كثرة أمته ولم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأشخاص التي ترى من بعد لا تدرك منها إلا صورة. Donc là il a vu, il a pensé que c'était sa communauté à lui, parce qu'il sait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que sa communauté, ça va être les plus nombreux, et qu'il est le messager le plus suivi. Et donc il a pensé que c'était sa communauté parce qu'il y avait une foule vraiment énorme. Mais il les voyait de loin, donc il n'était pas capable de distinguer quels étaient exactement ces gens-là. قيل لي هذا موسى وقومه. Donc il lui a été dit, ça c'est Moussa et sa communauté. Hey Moussa, موسى بن عمران كليم الرحمن وقومه أتبعوا على دينه من بني إسرائيل ففيه فضيلة أتبعه منهم ولهم كثيرون جدا بل هم أكثر الأمم تابعا للنبيها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون كحزب جالوت وبخت نصر وغيرهم. Donc il s'agit, le groupe qu'il a vu, il s'agit de qui? Il s'agit de Moussa ibn Imran Kalim al-Rahman, le prophète Moussa, messager Moussa, avec sa communauté. Quand il dit wa qawmih, c'est-à-dire atba'u ala dini, les gens qui l'ont suivi, donc parmi Bani Israël. Et donc on voit ici le mérite de sa communauté et des gens qui l'ont suivi, et qu'ils étaient très nombreux. Malgré tout ce que Bani Israël ont fait comme méfait, il y a un grand nombre d'entre eux qui ont suivi Moussa alayhi salam. Et le prophète Moussa, c'est le prophète le plus suivi après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala yaqul wafaddalnahum ala al-alamin. Allah dit, nous leur avons fait grâce de notre bienfait, ou nous les avons, pardon, nous les avons, comment dire, on les a élevés sur les communautés, on les a, sur toutes les autres communautés. C'est-à-dire que Banu Israël, à leur époque, à eux, avant la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure des communautés. Bien sûr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, les gens qui ont suivi le meilleur des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont la meilleure des communautés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Donc vous êtes la meilleure communauté qui est apparue pour les gens. Mais malgré cela, wafaddalnahum ala al-alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a préférés à toutes les autres communautés en leur temps. Donc c'était la meilleure des communautés. Et وذلك ان في زمانهم وقبله ممن كفر خلقا لا يحصون كحزب جالوت وبخت نصر وغيرهم. C'est-à-dire qu'à leur époque à eux, il y a d'autres communautés, mais qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Des communautés qui étaient comme la communauté de كحزب جالوت, comme ça vient dans le Coran, ou بخت نصر et d'autres. نعم. Il dit فنظرت فإذا سواد عظيم وفي رواية قد سد الأفق وفي صحيح مسلم ولكن ينظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق. Donc, et ensuite il a regardé dans une autre direction. Et là, il a vu, à l'horizon, il a vu une foule énorme qui remplissait l'horizon. Donc, il regardait de droite à gauche l'horizon, il était rempli. فَقِلَ لِهَذِي أُمَّتُكْ فَهَذِي أُمَّتُكْ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Dit, ceci est ta communauté, et là, c'est ce qu'on appelle Shahid al-Hadith, Shahid, la partie du Hadith qui nous intéresse dans ce chapitre-là. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Et parmi eux, 70 000 qui rentreront au paradis, sans jugement et sans châtiment. Dit, لِتَحْقِيقِهِمْ لِلتَّوْحِيدِ ولتحقيقهم التوحيد وفيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم تابعا للنبيهم صلى الله عليه وسلم وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفر وكثر فيهم العلم وما زالوا على السنة في القرون الثلاثة المفضلة وقد قلوا في آخر الزمان حقيقة للدعوة لسيما وقد كثرت فيهم عبادة غير الله واستحلال كثير من المحرمات. Et donc cette foule énorme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu, là on lui a dit, ça c'est ta communauté. Et parmi eux, 70 000 qui rentrent au paradis sans jugement et sans châtiment. Et ceci parce qu'ils ont réalisé un tawhid complet, comme on l'a dit avant. Et donc, on voit ici le mérite de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est la umma la plus importante qui ait suivi son prophète. Et il dit ici quelque chose d'important, il dit que les gens qui ont réellement suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été nombreux à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Ensuite, à l'époque des quatre califes, ils ont rempli les villes, les pays, le bilad, par les conquêtes islamiques. Et la science s'est propagée partout. Et ils n'ont cessé d'être sur la sunnah durant les trois premières générations, qui sont les trois meilleures générations. Donc celles des compagnons, de leurs élèves et de ceux qui les ont suivis. Tabi'un ou atba'u at-tabi'in. Et il dit, malheureusement, plus le temps il avance, et moins il y a de gens qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent sa sunna, même s'ils s'attribuent à l'islam. Parce que là, ici, il dit quelque chose d'important. Il dit, la siyama, وَقَدْ كَثُرَتَ فِيهِمْ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ. Il dit surtout qu'il s'est propagé au sein d'eux, donc au sein de ces gens qui sont venus plus tard, ce qu'on peut appeler le mutakhirin ou le mu'asirin, عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ, l'adoration d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit par l'adoration des tombes qui s'est propagée, soit aussi par l'adoration dans l'obéissance d'une loi, d'autres lois que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adoration dans la soumission à la démocratie et d'autres systèmes qui contredisent la charia. D'ailleurs, ça rentre dans ce qu'il dit en deuxième, il dit « Wastihlal kathir min al-muharramat » le fait de rendre halal beaucoup de choses qu'Allah Jalla wa Ala il a interdit. وقال المصنف وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية والكمية الكثرة والعدد والكيفية فضيلتهم في صفاتهم وفي رواية ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000 وفي رواية تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وأخرج أحمد والبيهقي وغيرهما فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 قال الحافظ وسنده جيد ولمسلم مع كل واحد منهم 70,000 قال المصنف في بارسي دي شيخ محمد يديك ولا دليل سور le mérite de cette communauté, que ce soit en nombre ou en qualité. En nombre, parce qu'ils sont très nombreux, comme on l'a vu dans le hadith, et par leur sifat. C'est-à-dire que c'est des gens, il y en a beaucoup parmi eux, comme on a dit surtout dans les premières générations, qui ont réalisé un tawhid complet, avec ce que ça comporte de caractéristiques, comme on l'a vu dans les sifat d'Ibrahim, ou dans ce qu'on va voir dans le hadith, dans quelques instants, Inch'Allah. Et dans certaines riwayas du hadith, ces gens-là, donc ces 70 000, leur visage resplendit comme la lune lors des nuits de pleine lune. Et il y a une riwaya qui est rapportée par l'imam Ahmed, l'imam al-Bayhaqi, et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah azza wa jal qu'il augmente ce nombre de gens-là qui méritent cette grande récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rajouté avec chacun d'entre eux 70 000 de plus. Qala al-hafidh wa sanaduhu jayyid. Et la chaîne de transmission du hadith-là, elle est bonne, selon Ibn Hajar. Et dans Sahih Muslim, ma'a kulli wahidin minhum 70,000. Donc là, il n'y a pas d'histoire, c'est dans Sahih Muslim. Et avec chacun d'entre eux, 70 000. C'est-à-dire qu'on a 70 000 qui méritent cette récompense-là. Et pour chacun d'entre eux, on a 70 000. Donc on a 70 000 fois 70 000. Je ne sais pas combien ça fait un nombre important. Mais encore une fois, comme il l'a dit avant, ça c'est important, c'est que la majorité de ces 70 000 là, la grande majorité de ces 70 000 là, et c'est des gens qui ont déjà vécu et qui sont morts. C'était à l'époque des compagnons, et même s'il y en a peut-être encore aujourd'hui en petit nombre, mais la grande majorité l'a été lors des premières générations. نعم ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض يعني قام فدخل منزله فخاد الناس في أولئك فقال بعدهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعدهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا آشيا. Non. Donc, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit ça, il s'est levé et il est rentré chez lui. Et là, les compagnons, ils ont commencé à parler entre eux et à essayer de déterminer quels sont ces gens-là, quels sont ces 70 000 et qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette récompense-là. Il y en a d'entre eux qui ont dit, peut-être que c'est les compagnons, les gens qui étaient avec lui. Parce qu'ils connaissent le mérite de Sohba. Ils connaissent le mérite de l'avoir vu et de l'avoir suivi lors de son vivant. Il y en a d'autres qui ont dit, Il y en a d'autres qui ont dit, c'est peut-être ceux qui sont nés dans l'islam. C'est-à-dire pas ceux qui étaient sur le shirk et qui ont cru ensuite en l'islam. C'est-à-dire après, soit après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens qui étaient mouchriquin et qui se sont convertis durant, après. Donc ils ont évoqué cette hypothèse-là. Naam. Il dit, فأي تبحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شأن 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة فإنهم عرفوا أنهم إنما نالوا ذلك بعمل هو أفضل الأعمال وفي اللفظ فتذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني النصوص الشرح على وجه الاستفادة ولو كان بغير علم ولو كان بغير علم وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يجزم بالصواب النفسي قال المصنف وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفيه حرصهم على الخير. نعم. Donc le sens c'est comme on l'a dit, ceux qui étaient présents, qui ont entendu le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rentrés en discussion. Et ils ont cherché, ils ont divergé, ils ont discuté concernant ces 70 000, quel acte ils ont bien pu faire pour mériter cette récompense-là. Et ils savaient que cet acte-là, et vu l'importance de la récompense, ils savaient que c'était un acte parmi le meilleur des actes. Bon, dans une version du hadith, فَتَذَكَرَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ. Ça a le même sens. Et il dit ici, non. Ici il dit, وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْمُنَاظَرَةِ وَالْمُبَاحَثَ فِي مَعَانِ النُّصُوصِ شَرْحٍ عَلَى وَجْهِ الْإِسْتِفَادَةِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. La phrase, elle fait un peu peur. Il dit, ici on voit, il y a la permission de rechercher dans les textes de la charia pour chercher le haq, pour en tirer profit, et ceci même sans science. Ici, ce qu'il veut dire par sans science, c'est-à-dire que les compagnons, ils ne savaient pas à la base de qui il s'agissait. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces 70 000-là, pour mériter ça? Et donc, ils se sont basés sur ce qu'ils connaissent de la charia et de leur compréhension pour déterminer de qui il s'agissait. Mais là, quand il dit « bidouni ilm », il ne faut pas comprendre que n'importe qui peut essayer de comprendre. Même un sujet dans lequel il n'y a pas ce qu'on appelle un « nas », un texte clair, qui ne porte pas à interprétations diverses. Lorsque c'est pas n'importe qui peut regarder dans les textes de la charia. Les compagnons, c'était des purs arabes. Non. Un instant. Donc quand il dit ici, وفيه إباحة المناظرة والمباحثة في معاني النصوص الشرعي على وجه الاستفادة ولو كان بغير علم. La permission, donc, de rentrer en discussion et de chercher les uns les autres le sens de certains textes du Coran et de la Sunna pour en tirer profit, pour mettre un hukm sur quelque chose. Il dit ceci même sans science. Ici, sans science, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut regarder dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna et en tirer quelque chose. À la base, les Sahaba, c'est des Arabes qui maîtrisent parfaitement la langue arabe. Et on sait que la langue arabe, c'est, on va dire, le cœur d'un ilm qui est apparu plus tard, qui s'appelle Usul al-Fiqh. C'est-à-dire comprendre la signification des textes. C'est basé essentiellement sur la langue arabe et les compagnons, c'était l'arabe et l'aura. C'était des purs arabes qui maîtrisaient parfaitement la langue arabe. C'était leur langue. Donc déjà, de par cela, ils avaient une capacité à comprendre les textes que n'ont pas des gens qui sont venus après eux. Donc quand il dit bidouni ilm, même sans ilm, c'est pas n'importe qui vient et qui essaye de comprendre, de tirer des fawaïd, une compréhension du Coran et de la Sunna, comme ça, sans avoir au préalable les outils de compréhension qu'il est nécessaire d'avoir pour comprendre les textes. Sa phrase est un peu dit comme ça. Il dit: Wa jawaz al-ijtihad fi ma lam yakun fi dalil. Naam. Ici, wa jawaz al-ijtihad fi ma lam yakun fi dalil. C'est-à-dire la permission de faire un ijtihad dans une chose dans laquelle il n'y a pas de nos. Un nos, c'est un texte clair et net, qui ne porte pas à interprétations diverses. Il n'a qu'un seul sens et c'est son sens apparent dans le verset. Ça, c'est ce qu'on appelle un nos. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans beaucoup de versets du Coran, il explique le sens de la ilaha illallah. Donc, on ne peut pas venir faire un ijtihad et se baser sur certains textes qui sont ce qu'on appelle le mutashabih, des textes qui ne sont pas clairs, et venir essayer d'expliquer que quelqu'un qui fait du shirk akbar, il est musulman, en se basant sur des textes. Parce qu'Allah Jalla wa Ala, il a expliqué de manière claire dans ce qu'on appelle nosos, des versets clairs qui ne portent à aucune interprétation autre que le sens apparent du verset. On ne peut pas essayer d'expliquer ces versets-là avec d'autres textes qui sont flous, qu'on appelle équivoques, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué le tawhid de manière claire. Et dire, oui, mais il fait un ijtihad. C'est ce qu'on appelle ijtihad fi mukhalafati an-nusus. Ou c'est ce qu'on appelle aussi ijtihad fasad al-i'tibar. L'ijtihad, il est permis seulement quand il n'y a pas de dalil clair, ce qu'on appelle nusus. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils n'avaient pas encore cette science-là. Le professeur Salem, il leur a pas encore dit qui c'est ces gens-là, puisqu'il va le dire ensuite quand il est ressorti de chez lui. Donc eux, ils ont essayé de chercher avec leur compréhension, avec déjà leur langue arabe, avec les connaissances qu'ils ont de la charia, ils ont fait des propositions comme ça entre eux. Mais ils ont pas aussi ce qu'on appelle le tasrih. Ils ont pas dit c'est ça. C'est celui qui était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde bien dans leur réponse, il dit quoi? Fala'allahum. La'allah. Peut-être. Peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Ils émettent des hypothèses. Et encore une fois, qui ne sont pas basés sur rien. Qui sont basés sur leur connaissance de l'islam, de la charia, et qui sont basés aussi sur les outils qu'ils ont pour comprendre la charia. Non, donc il dit wa jawaz al-ijtihad fi ma lam yakun fi dalil, lakin la yajzim bi sawab nafsi, comme on l'a dit là. Il dit pas c'est je suis sûr c'est ça. Il a pas de texte, pas de dalil aslan. Il émet des hypothèses. قال المصنف wa fi umq ilm as-salaf li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi 'amal. شوف سبحان الله العظيم réponse al-murji'a. Ils ont su que cette récompense ultime et cette grande récompense, tu ne peux l'acquérir que par un acte. Ils n'ont pas dit peut-être que c'est quelqu'un qui croit au haq, soi-disant, mais qui pratique rien. Ou qui croit au haq, mais qui commet tous les péchés possibles, même des shirkiyat. Ils savent que c'est quelque chose qui a réalisé, des gens qui ont réalisé un certain acte. Et ils ont évoqué quoi? Dans d'autres versions du hadith, Allahu alam, ils ont évoqué d'autres choses. Mais ici, ils ont évoqué quoi? Ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, le compagnon, c'est quelqu'un qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et en mourant là-dessus. Donc déjà, c'est un mouahid. Les autres, ils ont dit, quelqu'un qui est né dans l'islam, donc qui n'a jamais été sur le shirk et qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde comme leur compréhension de la charia et comme l'importance, comme ils connaissent l'importance du tawhid et la gravité du shirk. Il dit wa fihi hirsuhum ala al-khayr. Sahaba, ils ont passé leur temps là-dedans. Soit dans l'adoration d'Allah Azzawajal, soit dans la recherche de la science, soit dans le jihad fi sabilillah. Ils ont passé leur vie comme ça. Là, on voit que le professeur Sallam, il a posé une mas'ala, il est rentré chez lui, ils ont discuté. C'était ça leur sujet de discussion. Ils ont discuté qui c'est ces gens-là. Et comment ils vont atteindre cette récompense-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir. Comme on verra à la fin du hadith, avec Ukash, la parole de Ukash. Il dit, فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Chauffe la réponse. فَإِنَّهُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ بَعَدَ الرُّسُلِ لَا كَانَ وَلَيَكُونَ مِثْلُهُمْ لَا كَانَ وَلَيَكُونَ مِثْلُهُمْ. Ici, يَكُونَ كَانَ فِعَلْ تَمْ. Pas كَانَ, il n'a pas d'isme de khabar. On ne dit pas وَلَيَكُونُ مِثْلَهُمْ. وليكون مثلهم يكون فعل تم فاعل فعل ومثلهم فاعل مثل فاعل مرفوع. Il dit parce que on voit comme ils connaissent le mérite de as-suhba, le fait d'avoir été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que ces gens-là c'étaient les meilleurs. Donc ils ont évoqué cette hypothèse-là parce qu'ils savent que les compagnons c'est les meilleurs. Après les messagers, bien sûr, et les prophètes. وقال بعدهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. من أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية من لهم ومن أن لهم من لهم مزية على من ولد في الجاهلية وهو كذلك. وهو الأصل في الحقيقة وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل كما في الحديث خياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وكما وقع لعمر وخالد وغيرهما. نعم. Donc ici, effectivement, ceux qui sont la base ou la règle de base, c'est que celui qui est né dans le tawhid, c'est-à-dire il est né sur le fitra, comme n'importe quel nouveau-né, mais qui a été élevé par ses parents ou par celui qui s'est chargé de son éducation dans l'islam, dans le tawhid. Il a toujours été sur le tawhid, il n'a jamais fait partie des gens du shirk ou de la jahiliya. Celui-là, à la base, c'est qu'il est mieux. Mais il y a des exceptions à la règle, comme toute règle. Il est possible que certaines personnes aient connu, aient été dans le Jahiliya, se soient converties après, lors de l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ici deux exemples, Omar et Khalid ibn al-Walid, des gens qui sont rentrés après et qui ont atteint un haut degré dans l'obéissance à Allah et dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont apporté à l'islam ce que d'autres n'ont pas apporté, même parmi ceux qui ont connu que le tawhid. Comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il cite ici, et Khalid ibn al-Walid dans le jihad. En se basant sur le hadith, le meilleur d'entre vous dans le jahiliya, c'est le meilleur d'entre vous dans l'islam, si ils faqihu, c'est-à-dire s'ils ont appris leur religion, s'ils apprennent leur religion. Et il cite l'exemple de Omar et de Khalid ibn al-Walid radiallahu anhumah. Des gens qui ont connu le Jahiliya, qui ont même combattu les musulmans, comme c'est le cas pour Khalid, c'est que lors de la bataille de Uhud, il était encore avec les kuffars, Il s'est converti après. Mais qu'après, il a atteint un degré et il a profité à l'islam et aux musulmans par sa science de la guerre et par son courage. Il a accompli des choses que d'autres n'ont pas accomplies parmi des gens qui étaient nés dans l'islam et qui n'ont vécu que dans l'islam. Ils ont évoqué d'autres choses, d'autres hypothèses concernant ces 70 000. Et on va arrêter là, inshallah. Il dit, أي غيرهاتين الخصلتين وفي رواية قالوا أما نحن فولدنا في شرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا ها Donc ici, il y en a qui ont évoqué d'autres choses. À part ces deux choses qu'on a citées, ils ont évoqué d'autres choses. Et il y en a qui ont répondu. Donc apparemment, c'est comme ils ont répondu à ceux qui ont dit, ouais, c'est ceux qui sont nés dans l'islam, qui ont toujours été en islam. Il y en a qui ont répondu dans une riwaya, il dit, nous on est nés dans le shirk. Mais on a cru à Allah et en son messager. C'est-à-dire le mérite de délaisser, Wallahu alam, la compréhension, le mérite de délaisser le shirk, la religion sur laquelle tu as été élevé, la religion de ton peuple, et de rentrer en islam. Il dit, Walakin ha'ulahum abna'una. Eux, ils sont nés dans l'islam. Et les autres, ils n'ont pas choisi non plus d'être élevés dans le shirk et d'être sur le shirk. Même si le shirk en lui-même, c'est un mal en lui-même, mais ils sont nés comme ça. Ils ont été élevés comme ça, là-dessus, sur la religion de leur peuple, et ils ont le mérite par la suite de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire la hijra, de faire pour ceux qui l'ont faite, etc. Or, les autres, ils sont nés sur l'islam, et donc ils n'ont pas eu cet effort-là à quitter le shirk. Donc, si on regarde dans un sens, là il est mieux, dans un sens, l'autre, il a connu le shirk, mais il a délaissé le shirk, il est allé vers l'islam. Wallahu a'lam. En tous les cas, ils ont évoqué des choses. Et Inch'Allah ou Ta'ala, la prochaine fois, on lira la fin du hadith et on verra comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit ces 70 000 là. Et on verra que ça montre c'est quoi la réalité de la réalisation du tawhid complet. Mustahab, c'est le fait de délaisser des choses qui ne sont pas interdites et des choses qui sont des fois, on en a vraiment besoin, mais on va les délaisser. Et on va s'appuyer sur Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qu'on désire. Donc on arrête là. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.